allez-vous faire fête de servir sa patrie? Appelez-vous verdier, c'est à tant à pire. Mon déplorable choix, triste et funeste en l'heure. Reconnais-tu notre malheur qui peut nous étonner, mais non pas nous abattre? Reste curieuse et console ma sœur. Je viendrai te rejoindre et nous irons combattre. Vertu digne de Rome, ô mon fils, ô cher fils, voilà les sentiments que mon cœur t'a transmis. Oui, mes enfants, votre fortune est grande. Mon cœur comme le vôtre en a senti les coups, mais l'effort est digne de vous, et tout cède à l'honneur alors qu'il nous commande. Peuple Camille, et permet sa douleur, son malheur sans doute est extrême. C'est à toi, Curias, à raffermir son cœur. Rends-la digne de nous et digne de toi-même.